bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. J'espère que vous êtes bien installés pour ces 20 minutes en notre compagnie. Cette semaine, c'est moi, Colline, qui vais vous accompagner pour décrypter l'actualité. Au programme, la colère des internes qui se manifeste jusque devant la justice. On partira en Australie avec Bruno pour parler d'un scandale sur un ancien Premier ministre. Gabriel vous expliquera l'affaire Gabriel Perdiot. Margot, qui gagnera sûrement un prix Albert Londres un jour, fera un point sur cette récompense prestigieuse. Et on n'oublie pas Louis Laflèche, qui s'occupe des recommandations aujourd'hui. Mais pour bien démarrer l'émission, Apo, pour une fois à l'heure, nous présente le traditionnel affluoté. Le chef de l'État islamique est mort. L'organisation djihadiste a annoncé mercredi le décès d'Abu al-Hassan al-Hakimi al-Qurashi, qui était donc le dernier chef en date. Il aurait été tué à la mi-octobre dans le sud de la Syrie par des rebelles de l'armée syrienne libre. Le porte-parole de l'État islamique a annoncé qu'un nouveau calife des musulmans, selon ses mots, a été nommé. Salah Abdeslam est de nouveau à la barre, cette fois à Bruxelles. Le procès des attentats de mars 2016 s'est ouvert cette semaine. Le terroriste est déjà condamné à la perpétuité pour les attentats commis en novembre 2015 à Paris. Il comparaît cette fois aux côtés de 9 autres accusés. En Belgique, les crimes terroristes sont jugés par 12 citoyens tirés au sort qui assistent les magistrats professionnels. Cette semaine, Emmanuel Macron s'est envolé vers les États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. Avec Joe Biden, l'heure semblait à la coordination, comme par exemple sur la politique de transition énergétique américaine. Celle-ci donne la priorité aux produits Made in USA et le président américain a fait un pas vers l'Europe en s'engageant à en régler les défauts. Au Royaume-Uni, une remarque déplacée relance le débat sur le racisme dans la famille royale. La marraine du prince William, Lady Susan Hussey, s'est fait épingler pour des commentaires racistes lors d'un événement sur la lutte contre les violences conjugales. Elle a insisté lourdement auprès d'une femme britannique noire pour connaître son origine, alors que cette dernière lui affirmait qu'elle était née en Angleterre. Les amateurs de bon pain seront ravis, la baguette française est désormais inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mercredi, l'Organisation des Nations Unies a validé la candidature française. Cet artisanat vient agrandir la liste des savoirs français déjà membres du Panthéon de l'UNESCO. Parmi eux, on peut citer la tapisserie d'Aubusson, entrée en 2009, ou le fest-noz, entrée en 2012. Avis aux fans de sport, la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 est ouverte. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout de suite acheter vos billets. Pour l'instant, vous pouvez vous inscrire pour le tirage au sort. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez alors acheter votre ticket pour assister aux épreuves. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, petit bonhomme. Les internes assignent les hôpitaux devant la justice, Julie. Oui, en pleine épidémie, Covid / grippe / bronchiolite, l'hôpital traverse plusieurs crises. Les internes s'étaient d'ailleurs déjà mis en grève le 17 novembre et ils avaient manifesté contre l'obligation pour les généralistes d'effectuer un an d'études supplémentaires dans un désert médical. Et cette semaine, c'est pour une toute autre raison que l'on parle d'eux. Ils assignent devant la justice la trentaine de CHU français pour faire respecter le plafond légal de 48 heures de travail par semaine. Mais qu'espèrent les syndicats en faisant ça ? Eh bien, ils espèrent faire appliquer une décision au Conseil d'État. Le 22 juin, la haute juridiction administrative avait demandé aux hôpitaux publics de se doter d'un dispositif fiable permettant de décompter le temps de travail de leurs médecins et internes. Selon les syndicats, aucun projet sérieux n'a vu le jour, ce qui explique leur recours à la justice. Ok, mais c'est quoi le Conseil d'État ? Alors d'abord, il est le conseiller du gouvernement. Il examine les projets de loi et les projets d'ordonnance avant qu'ils ne soient soumis au Conseil des ministres. Mais il est aussi une juridiction classique qui émet des jugements. Dans cette affaire, avant d'arriver au Conseil d'État, qui est le dernier degré de juridiction, les CHU devront d'abord être jugés par le tribunal administratif, puis par la cour d'appel s'ils font appel. Le Conseil d'État n'interviendra donc qu'en cas de pourvoi, c'est l'équivalent de l'appel, mais un cran au-dessus. Et au-delà de l'aspect juridique, Julie, il en va de la santé mentale des internes. Oui, selon un sondage de juillet 2021, 70% des internes déclarent dépasser 48 heures hebdomadaires et la moitié dépasse les 58 heures. Les associations rappellent aussi qu'en 2021, une enquête syndicale a montré qu'une grande majorité d'étudiants en médecine présentaient des symptômes anxieux ou de burn-out et que 39% d'entre eux avaient des symptômes dépressifs et 19% des idées suicidaires. Les syndicats accusent les CHU de faire durer cette situation en fermant les yeux sur le temps de travail des internes. Les internes affirment que le dépassement du temps de travail ne sert pas à leur formation, mais bien à leur exploitation. Autre sujet, la ministre Caroline Cayeux démissionne. Et oui, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a démissionné lundi, en cause sa déclaration de patrimoine jugée sous-évaluée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Encore un bel exemple de transparence au gouvernement. Et oui, pourtant difficile de cacher cet immeuble haussmannien de près de 500 mètres carrés sur 6 étages situé à deux pas de la Tour Eiffel, qui serait à l'origine du contentieux. La quasi-totalité de l'immeuble appartiendrait à Caroline Cailleux et à sa sœur depuis plusieurs générations. Elle aurait visiblement sous-évalué la valeur de ce bien. Ouais, rien que ça. Même pas. Selon Courrier Picard, la riche héritière aurait aussi minoré la valeur de terrain de chasse en Sologne. Des informations confirmées dans Le Monde par son cabinet, qui la défend en estimant, je cite, « que l'on n'est pas responsable de ce qu'on hérite ». Pour rappel, Caroline Cailleux s'était déjà illustrée il y a quelques mois lors d'une interview sur Public Sénat au sujet de ses combats passés contre le mariage pour tous, qu'elle qualifiait, attention, de caprice ou encore d'ouverture de droits irrespectueuse de la nature et insensée. Elle s'était défendue à l'époque en disant avoir beaucoup d'amis parmi, je cite, ces gens-là. Évidemment, les propos n'étaient pas passés auprès de tout le monde, mais ce n'est pas cette polémique qui aura eu raison de sa carrière de ministre. La désormais ex-ministre a été remplacée par Dominique Faure, précédemment secrétaire d'État à la ruralité. Et enfin, on a célébré ce vendredi la journée mondiale de lutte contre le sida. Oui, et on peut dire que la nouvelle tombe à pic, un vaccin préventif expérimental contre le VIH vient de terminer les phases 1 et 2. Il est apparemment bien toléré et donne une réponse immunitaire sur les volontaires vaccinés. 3 doses du vaccin ont été injectées à 72 volontaires en France et en Suisse. Le suivi d'un an montre qu'il a été plutôt bien toléré. Les scientifiques sont donc prêts à se rendre en phase 3. Et en quoi consiste cette phase ? Eh bien, lors de cette étape, les essais vont permettre de mesurer l'efficacité du vaccin, c'est-à-dire son impact sur la survenue d'infections. Ils seront réalisés dans des populations dites à risque. Et ce vaccin, il a de quoi de particulier ? Il repose sur l'injection d'anticorps qui ciblent spécifiquement des cellules clés de la réponse immunitaire, que l'on appelle cellules dendritiques. C'est la première fois qu'un vaccin vise directement ces cellules-là. Et au-delà de l'aspect scientifique, il représente un vrai espoir dans la lutte contre ce virus. Le VIH est particulièrement complexe à combattre, mais la recherche continue. En tout cas, le dépistage est en hausse, mais n'a toujours pas rattrapé le retard lié au Covid-19. Everybody knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it, Joe. God bless you all. On part en Australie pour commencer avec un ancien Premier ministre qui fait face à une motion de censure. Scott Morrison, c'est son nom. Premier ministre de l'Australie entre 2018 et mai 2022, on a appris en août dernier qu'il a occupé beaucoup d'autres fonctions dans le secret le plus total. Ministre de l'Intérieur, de la Santé, des Finances, Morrison s'était autonommé à la tête de plusieurs ministères, 5 en tout. Cette semaine, l'ancien chef du gouvernement a dû s'expliquer devant le Parlement australien qu'il a sanctionné d'une motion de censure. Et ça va changer quoi concrètement pour lui ? Alors, pas grand-chose, car il n'est plus Premier ministre et que ça ne l'oblige pas à démissionner de son poste de député, mais ça reste une décision historique en Australie. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre est blâmé par la Chambre des représentants. Il s'est défendu comme il a pu, en disant qu'il a fait cela dans l'urgence de la crise du Covid-19, pour assumer ses responsabilités. Un député proche de lui a déclaré qu'il est en réalité devenu accro au pouvoir. Mais personne n'était au courant ? Oui, c'est assez bizarre, mais même les détenteurs officiels des postes n'étaient pas au courant que quelqu'un s'était attribué leur pouvoir dans leur dos. Ça s'explique par le fait que pendant la crise du Covid, les Australiens ont créé un ministre de la Santé bis pour gérer la situation, poste sur lequel s'est jeté Morrison avant de faire pareil avec les autres ministères par la suite. Selon le Parlement, ces actions auraient mis à mal la confiance des Australiens envers le gouvernement. L'ancien Premier ministre s'est donc excusé, non sans tenter de se justifier. Et tu sais sur qui il rejette la faute, Colline ? Non, mais je sens que tu vas me faire rire. Oui, alors du coup, c'est les journalistes, logique. Selon lui, ils avaient qu'à l'interroger sur ces questions, sur lesquelles il se serait bien sûr exprimé sans problème, on n'en doute pas. En tout cas, cette affaire va faire bouger les choses en Australie. Plusieurs mesures sont déjà à l'étude pour que plus personne ne puisse s'attribuer des fonctions dans le dos de tout le monde. On part de l'autre côté du Pacifique aux États-Unis, non pas pour parler d'Emmanuel Macron qui est en visite actuellement, mais de robots tueurs. C'est un bien drôle d'amendement qui a été voté à San Francisco. Alors pas de panique, on n'est pas encore dans Terminator. Les forces de l'ordre avaient déjà à disposition des robots policiers, mais là ce qui change, c'est qu'ils vont avoir légalement le droit de tuer dans certaines situations. Tuer ? Les robots seraient équipés d'armes à feu du coup ? Avec des explosifs plutôt. Ils seraient utilisés dans des situations très rares, comme pour des fusillades de masse ou contre des kamikazes. Bien sûr, le contexte récent de violence aux États-Unis n'y est pas pour rien. Et cette mesure est loin de faire l'unanimité, comme d'habitude. Beaucoup ont peur que ces robots soient utilisés beaucoup plus souvent que ce qui est prévu par la loi. Pour les opposants au sein du conseil municipal, il y a un vrai risque d'utilisation abusive de cette technologie qui n'a pas réellement montré qu'elle était utile. Et on termine notre tour de l'actualité internationale avec l'Espagne qui met fin aux jouets genrés. On est en décembre, les catalogues de Noël commencent à arriver dans les boîtes aux lettres et depuis plusieurs années, c'est souvent la même chose. Les pages pour les filles en rose avec plein de poupées et les pages des garçons en bleu avec des voitures. Ces stéréotypes, c'est fini depuis le 1er décembre en Espagne, date à laquelle le code d'autorégulation décidé en avril dernier entre en vigueur. Un des objectifs affichés du gouvernement, éviter les préjugés et la représentation sexualisée des petites filles. T'as parlé de code d'auto-régulation, ça veut dire que personne ne va vraiment vérifier que ce soit respecté ? C'est ça. Il y a plusieurs associations de consommateurs qui le dénoncent en Espagne, mais si des entreprises continuent à faire des publicités genrées, il n'y aura aucune sanction ou amende. La mesure n'en demeure pas moins révolutionnaire et risque d'influencer d'autres pays européens à franchir le pas. Dans le même registre, la marque de jouets danoise Lego va lancer une série inclusive de nouveaux personnages censés aider les enfants à mieux se comprendre et à comprendre les autres, sortie prévue en janvier 2023. Le blé, fais gaffe, un coup t'en as, un coup t'en as plus. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Oh, gardez vos nerfs. Et en éco-société, on s'intéresse à une affaire politique et médiatique de cette semaine. Mediapart a obtenu gain de cause mercredi concernant un article sur le maire de Saint-Étienne. Oui, rétropétalage du tribunal de Paris, Mediapart a finalement été autorisé à publier une enquête sur Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Le tribunal l'avait pourtant interdit car l'élu, anciennement Les Républicains, y voyait une atteinte à sa vie privée. Après un recours en justice mené par Edoui Plenel et soutenu par de nombreuses organisations comme Reporters sans frontières, la juge est revenue sur sa décision. Mediapart s'est empressé de publier l'article en question. On y apprend quoi dans cette enquête pour qu'elle fasse autant débat ? Eh bien, elle révèle des enregistrements audio pris dans le bureau de Gaël Perdriau en présence de son ancien adjoint, Gilles Artigue. Le maire stéphanois y tient des propos calomnieux envers Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes serait, selon le maire dans ses audios, un pédocriminel. Des accusations qu'il a d'ailleurs retirées, avouant qu'elles étaient fausses. Le but, discréditer son opposant à des fins politiques. Laurent Wauquiez a porté plainte pour diffamation. Si ma mémoire est bonne, ce n'est pas la première affaire dans laquelle est impliqué le maire de Saint-Étienne. Non, en effet, en septembre, Mediapart avait déjà révélé d'autres éléments sur Gaël Perdriau. L'affaire est un petit peu alambiquée, mais pour résumer, le maire aurait demandé à l'un de ses adjoints et son compagnon de faire pression sur Gilles Artigue, l'ancien premier adjoint, et ce, au moyen d'une vidéo à caractère sexuel filmée à son insu. Ce chantage a duré 8 ans, selon Gilles Artigue. En guise de preuve, Mediapart avait rendu public des enregistrements. On entend le maire se dire prêt à rendre publique la vidéo. Également son directeur de cabinet, Pierre Gauthiery, qui menace le premier adjoint d'envoyer la sextape aux parents d'élèves de l'école des enfants de Gilles Artigue. Malgré ces révélations, Gaël Perdriau a refusé de démissionner de la mairie de Saint-Étienne. Et puis d'autres révélations de Mediapart, mais sur un tout autre sujet, le youtubeur français Léo Grasset, visé par une nouvelle enquête. Nouvelle révélation de Mediapart à propos du youtubeur de la chaîne Dirty Biology, Léo Grasset, visé par une enquête pour viol, selon le média d'investigation. Des informations confirmées par le parquet de Paris. Une plainte pour viol aurait été déposée par une étudiante en journalisme de 22 ans. Les faits remontent à 2021. Léo Grasset a, je cite, « contesté ces accusations ». Il est déjà visé par une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel après une plainte déposée, toujours selon Mediapart, par la youtubeuse Clotilde Chamussy. Direction les États-Unis où une nouvelle loi bipartisane pour protéger le mariage homosexuel a vu le jour. Des sénateurs républicains alliés aux démocrates pour faire face à la Cour suprême, le Sénat américain a voté mardi une loi protégeant le mariage homosexuel. Ce texte devrait ensuite passer facilement à la Chambre des représentants, puis être signé par Joe Biden. Après que la Cour suprême est revenue sur le droit à l'avortement en juin, cette loi est une manière pour les sénateurs d'éviter un nouveau retour en arrière. And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte qu'il a, la chatte. Le prix le plus prestigieux du journalisme francophone a été remis lundi 28 novembre en Lettonie. 4 journalistes ont été récompensés par le prix Albert Londres. Margot, qui sont les lauréats et lauréates ? Chaque année, le prix distingue les grands reporters dans le domaine de la presse écrite, mais aussi de l'audiovisuel et du livre. Celui de la presse écrite 2022 revient à une femme, Margot Benn. Grand reporter pour Le Figaro, elle rafle le prix pour ses reportages poignants sur la guerre en Ukraine. Dans la catégorie audiovisuelle, c'est un duo qui s'illustre, Alexandra Jousset et Xenia Bolshakova, pour leur documentaire « Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine ». Victor Castanet est lui récompensé pour son livre « Les Fossoyeurs », publié en janvier, l'enquête du journaliste avait révélé le scandale des maisons de retraite Orpea. Et comment ont été choisis ces gagnants ? C'est un jury d'écrivains, de journalistes et de cinéastes qui désignent chaque année les gagnants. Le jury était présidé par le journaliste Hervé Brusini, qui était accompagné de 17 autres personnes. Et comme chaque année, les lauréats de l'année précédente participent aussi pour désigner les grands gagnants. Au fil des années, les gagnants ont tous une chose en commun. Leur travail journalistique correspond à la célèbre maxime du reporter Albert Londres. Notre métier n'est pas de faire plaisir non plus que de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Une ligne de conduite pour tous les journalistes, qu'à porter la plume dans la plaie, c'est tenter de raconter le monde et aider les autres à mieux le comprendre, qu'importe la complexité du sujet ou la difficulté du terrain. Alors comme ça a l'air plutôt simple, mais est-ce qu'il existe des critères pour concourir ? Pour participer à la sélection, il vous suffit de remplir un formulaire de candidature directement sur le site internet. Comme ça, ça a l'air facile, mais il existe quand même un critère pour s'inscrire, une limite d'âge. Chaque candidat doit avoir moins de 40 ans lorsque son reportage est diffusé. Côté carte de presse, le prix est plutôt souple, elle n'est pas obligatoire pour participer. Une fois inscrit, il faut ensuite croiser les doigts pour être présélectionné par le jury, puis choisi comme lauréat. Oui, ça en fait du chemin, mais l'avantage de ce prix, c'est que si vous ne gagnez pas du premier coup, vous pouvez vous représenter autant de fois que vous le souhaitez. C'était la 84e lauréate pour la presse écrite, le 38e prix décerné pour l'audiovisuel et le 6e livre à être récompensé, les gagnants tous remportés 3000 euros. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France 2024 terminera ailleurs qu'à Paris. Et oui, c'est exceptionnellement à Nice qu'aura lieu le grand final. À cause des Jeux Olympiques, impossible de terminer le tour à Paris, explique Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve. Pour terminer l'édition, une épreuve de contre-la-montre individuelle aura lieu le dimanche 21 juillet, une première depuis 35 ans. Le rappeur Kanye West, encore une fois dans la tourmente, après des propos jugés problématiques. En pleine interview sur le plateau de l'émission InfoWars, présentée par la figure d'extrême droite Alex Jones, le rappeur a déclaré qu'il fallait arrêter d'insulter les nazis avant de conclure « I love Hitler ». Des propos qui ont directement entraîné la suspension temporaire de son compte Twitter, a annoncé Elon Musk, dénonçant des incitations à la violence. Plus tard dans la journée, c'est le réseau social Parler qui a annoncé avoir renoncé à se faire acheter par le rappeur. Ces dernières semaines, plusieurs marques avec lesquelles il collaborait l'ont lâché suite à des propos polémiques et antisémites. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais, lui ? C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro ? C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerk ? Mais elle est où, la moulaga ? Autour de Louis de se prêter au jeu des recommandations, et tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu te questionnais sur le monde médiatique français. Eh oui, Colline. Et moi, j'aimerais savoir qui possède quoi dans les journaux, la presse et le monde médiatique français. Cette petite question est typique du milieu journalistique et peut très probablement vous être posée lors d'un oral. Par exemple, Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Le Courrier International. Et est-ce que tu sais à qui il appartient ? Au groupe Le Monde, je crois. Ouais, c'est ça. Groupe détenu lui-même par trois principaux actionnaires, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Daniel Kretinsky. Pour vous donner une idée de la taille du groupe, il compte aussi l'Obs, Télérama ou encore le HuffPost, tous réunis dans les mêmes locaux, proche de la gare d'Austerlitz, à Paris. Mais il faut tout connaître par cœur ? Pas la peine de tout connaître, mais c'est pas mal d'avoir les grands groupes de presse en tête. Pour les trouver, facile, ils sont tous recensés sur le site du Monde Diplomatique avec le schéma « Médias français, qui possède quoi ?» Ok, mais à part pour la transparence, ça sert à quoi ? Peut-être pas à briller en société, Colline, mais plutôt à comprendre les débats et les enjeux qui animent votre future profession. Par exemple, on entend souvent qu'en France, il y a un problème de concentration des médias. 9 grands patrons sont propriétaires des médias connus et très influents. Martin Bouygues avec TF1, Bernard Arnault avec Le Parisien, Les Échos, La Famille Dassault avec Le Figaro ou encore... Vincent Bolloré avec Canal+. C'est ça, mais aussi Europe 1 et Paris Match puisqu'il est en train de racheter le groupe Lagardère détenu jusqu'alors par un autre homme d'affaires français. De quoi alimenter une actu bien particulière mais qui mérite d'être fichée. Justement, comment on fait pour suivre cette actu ? Alors il y a plusieurs émissions qui existent comme la Chronique Média juste après le journal de 9h dans la matinale de France Inter. L'équivalent existe sur la matinale de France Info à 8h25 cette fois-ci. En presse écrite, il y a le média dédié Arrêt sur image ou encore la revue des médias de l'INA, qui est elle plus dans l'analyse de fond. Et si on préfère la vidéo ? Pas de souci, France Télé a lancé au mois de septembre C'est Médiatique, une émission qui fait le tour de l'actualité des médias une fois par semaine, tous les dimanches à 13h30 sur France 5. Ça, c'est pour l'audimat aux cheveux blancs. Et sinon, c'est en ligne, quand vous le voulez, sur le site de France TV pour vos révisions. Malheureusement déjà la fin de l'émission, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'actualité. On espère vous avoir aidé à réviser les concours. Merci à Sixtine qui fait ses débuts à la technique, et merci à Julie, notre journaliste polyvalente, qui s'est occupée du montage de ce superbe épisode. À bientôt dans ActuVu, on a hâte de vous retrouver dans une meilleure forme.